Comme un air dans la tête, tu n'y es pas étrangère. Les mêmes yeux que toi, et je le joue maladroit. D'avoir les mains gelées comme au cœur de l'hiver. Et pour les réchauffer, je traîne verre en verre. Partager une blanche sur les quais de la Seine. Revenir éméché de la cité bergère. Tu dis rien ne changera, l'hiver a tout changé. Mais l'eau de la Marsa ne m'a pas emporté. Comme un air dans la tête, tu n'y es pas étrangère. Je me raconte un peu des histoires à la noix. Et si j'emporte tous tes sourires en enfer, il reste un petit air qui me rappelle à toi. Et cet air ressemble à ça. Quoi?